إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما أعظم أصول الإسلام ودعائمه العظام، الذي من تركه ضل السبيل وأدى ذلك إلى الهلاك. فيجب على الأمة الاعتصام بكتاب ربها وبسنة نبيها، وهو حبله الذي أمر تعالى بالتمسك به والاعتصام به، ونهى عن ضد ذلك من التفرق والتنازع والتشتت. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعتصام ونهى عن التفرق، فقال في حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أن الاختلاف والتفرق في الأمة حاصل مع ذمه له، وأوصاهم وصية نافعة جامعة، فقال كما في حديث العرباد بن سارية رضي الله عنه: قد تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أصحاب السنن. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة ونصائح جليلة، بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف واقع في الأمة، والتفرق حاصل، وأن واجب العبد تجاهه أن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وأن يحذر من المحدثات في الدين والابتداع فيه. والبدعة وأهلها عباد الله من أعظم أسباب الاختلاف، اختلاف الأمة وتشتتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الفرقة ملازمة للبدعة، كما أن الاجتماع ملازم للسنة. فلذلك نقول أهل السنة والجماعة، ونقول أهل البدعة والفرقة. فالمبتدعة والابتداع داء خطير في الأمة، سبب لها كثيرا، أو سبب لها كثيرا من الفتن والبلاء، وكان مصدرا لتفريقها وتشتيتها، حتى كانت 73 فرقة، منها واحدة ناجية فقط. فعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما كنت عليه أنا اليوم أصحابي. وفي لفظ: الجماعة. ولما كانت البدع من أعظم أسباب تفرق الأمة وتشتتها، جاءت النصوص الكثيرة في التحذير منها ومن أهلها، واتفق السلف الصالح على التحذير منها، وقرروا هجر أهلها ومنابذتهم وبغضهم واجتنابهم والتحذير منهم، بل نقلوا الإجماع على ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم. أي احذروا أهل البدع. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. عباد الله، ولأهمية الرد على أهل البدع والأهواء، بيَّن العلماء، علماء السنة، أن الرد على أهل البدع من أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبارات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منها وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل للإمام أحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته دفع ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً، وأما أولئك المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداءً. وقال أيضاً شيخ الإسلام رحمه الله: الراد على أهل البدع مجاهد. حتى كان يحيى بن يحيى واحد من أئمة السلف يقول: الذب عن السنة أفضل الجهاد. ويقول العلامة ابن القيم الجوزية رحمه الله في نونيته: هذا ونصر الدين فرض لازم، لا للكفاية بل على الأعيان، بيد وإما باللسان، فإن عجزت فبالتوجه والدعاء بجنان. يعني بالقلب. عباد الله، لما علم أئمة السنة قيمة كتب الردود على أهل البدع وكونها من أعظم أسباب دحر الباطل وأهلها، جعلوا لكاتبها مقاماً رفيعاً ومنزلةً عظيمة. حتى قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان أنواع الأقلام، قال: القلم الثاني عشر القلم الجامع، وهو قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين وكشف أباطيل المبطلين على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان تناقضهم وتفاهتهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل، المحاربون لأعدائهم، وهم الداعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدال. وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل وعدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن. وإذا يا عباد الله رأيت من يحارب الردود على أهل البدع ويضم أهلها فاعلم أنه يريد للبدع الانتشار, وللسنة الانحصار. فما أقض مضاجع أهل الأهواء مثل ردود أهل السنة على أهل البدع, فأهل السنة أرحم بالأمة من غيرهم ممن يريد أن يزيغ الناس مع الزائغين ويهلكوا مع المبتدعين. عن عاصم الأحول قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد أحد المبتدعة فوقع فيه وتكلم فيه, فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض. فقال: يا أحول, أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر ويحذر؟ فاحذروا عباد الله أهل البدع والأهواء, وتمسكوا بسنة سيد الأتقياء, وسيروا على درب صحابته النجباء, تكونوا من السعداء في الدنيا ودار البقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد. Préservez-vous d'Allah et cramponnez-vous au livre d'Allah et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le fait de s'accrocher au Coran et à la sunna, ça fait partie des plus grands fondements parmi les fondements de l'islam. Celui qui délaisse ces deux fondements s'est égaré du droit chemin. Et cela l'amènera à sa perdition, il n'y a pas de doute. Et donc il est obligatoire à la Ummah de se cramponner fermement au livre d'Allah Azza wa Jal, le Coran, et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le câble d'Allah Azza wa Jal auquel Allah nous a ordonné de nous cramponner. Et il nous a interdit ce qui s'y oppose, c'est-à-dire la division, la divergence et le fait de se diviser les uns des autres. Parce que l'union pour les musulmans, c'est une obligation. Et de se diviser pour les musulmans, c'est une interdiction. C'est quelque chose qui est haram. C'est haram autant que le porc. C'est haram autant que l'alcool. C'est haram autant que le zina et tous les autres péchés. Même peut-être pire encore, puisque la division de la Ummah ramène beaucoup d'autres malheurs et des grands problèmes à la Ummah. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal, il dit dans Sourate Al-Imran, ce qui signifie: et cramponnez-vous tous au câble d'Allah ensemble et ne vous divisez pas. Donc l'union pour la Ummah, eh bien c'est pas juste de dire qu'on est physiquement réunis, mais c'est de s'unir sur la vérité, de s'unir ensemble sur le Coran et sur la Sunna et sur la croyance des salaf salih, c'est-à-dire les sahaba et ceux qui les ont suivis. Et Allah Azza wa Jal, il dit également ce qui signifie dans le Coran: et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin. Et la raison de l'explication de ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit sur le sol et il a dit aux sahaba: ça c'est le chemin d'Allah. Et il a tracé à gauche et à droite de ce trait plein de petites lignes qui vont à gauche et à droite. Et il a dit: ces petites lignes, ça c'est les chemins des shayatines qui appellent, les chemins de l'égarement. Et chacun de ces petits traits, il y a un shaytan qui appelle les gens à les emprunter. Et c'est-à-dire à les appeler vers l'égarement et à les amener vers l'enfer. Nasallallahu al-afiyah. Et donc c'est pour cette raison qu'il est important pour les musulmans de se rappeler de ça. De se rappeler qu'il est important pour eux de s'unir sur la croyance de la vérité et sur l'islam, sur les références et les sources authentiques de l'islam, le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également qu'il est important pour eux de se réunir également autour de leurs dirigeants, c'est-à-dire autour de ceux qui ont le pouvoir et l'autorité parmi eux. Parce que la division dans la croyance, ça amène l'égarement. Et ça amène la division aussi des cœurs. Et la division, lorsqu'on se sépare de notre dirigeant aussi, ça amène la division sur le plan politique. Et ça, ça affaiblit les musulmans. Et ça les rend de plus en plus faibles et vulnérables face à leurs ennemis et face à ceux qui opposent l'islam et qui opposent la vérité. Alors, il est obligatoire pour les musulmans de se réunir dans ces deux aspects de la religion. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé dans son hadith lorsqu'il a dit « Allah est satisfait pour vous de trois choses. Il est satisfait que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui en faisant du shirk. » Ça, c'est la première chose. Donc, la aqidah, elle doit être sur le tawhid. La deuxième chose, il a dit « Et que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas. » C'est-à-dire que vous cramponniez au câble d'Allah. Le câble d'Allah, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. C'est l'islam. Donc vous vous cramponnez à ça et vous divisez pas, vous vous séparez pas. Et la troisième chose est que vous donniez à ceux à qui Allah a donné le commandement sur vous le bon conseil. Et que vous soyez sincères envers eux. Et ça, c'est fondamental également. Si on veut que la Ummah soit forte, si on veut que les musulmans soient forts et qu'ils aient un poids dans le monde et puis qu'ils puissent établir la vérité sur la terre, ils n'ont pas d'autre choix que de s'unir autour de leurs dirigeants. Que ces dirigeants-là soient bons ou mauvais, qu'ils soient pieux ou pécheurs, qu'ils soient justes ou injustes, mais on leur obéit dans le bien. Et ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a ordonné d'obéir aux dirigeants dans ce qui est halal. Et s'ils nous ordonnent le haram, on ne leur obéit pas dans le haram, mais on retire pas notre main de leur obéissance. Donc, on écoute et on obéit à ceux à qui Allah a donné le pouvoir sur nous dans le bien et on ne fait pas de fitna. Et on n'appelle pas à se rebeller contre eux. Et on n'appelle pas à se diviser autour de leur autorité. Parce que ça, c'est qu'est-ce qui amène la faiblesse de la Ummah. Et ce qui a fait que les kuffars et les ennemis de l'islam ont été capables de rentrer dans les pays musulmans et de les coloniser. Parce que si les musulmans n'auraient pas désobéi à Allah, et s'ils n'auraient pas fait de bid'ah et d'innovation, ils n'auraient pas été affaiblis au point de permettre aux ennemis de l'islam de pouvoir rentrer dans leur pays. Car auparavant, non, c'était pas les ennemis de l'islam qui rentraient dans les pays des musulmans, mais c'était les musulmans qui rentraient dans les pays des kuffars et qui installaient l'islam et qui installaient la justice et qui installaient la vérité. Mais lorsque les musulmans se sont détournés de leurs responsabilités et de leurs devoirs, eh bien les choses se sont inversées. Et les musulmans se sont affaiblis. Et les koufars ont compris que les musulmans étaient devenus faibles. Et ils ont senti que la porte était ouverte. Et ils ont profité de l'occasion. Et maintenant, c'est à nous de prendre des leçons de l'histoire. Et de revenir à notre compréhension. La compréhension authentique de l'islam. Au Coran et à la Sunna. Pour justement remettre les choses à l'heure. Remettre la pendule à l'heure. Et revenir à ce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Non pas pour avoir une gloire dans ce bas monde seulement, mais surtout pour avoir un salut dans l'au-delà au jour de la résurrection. Et pour qu'on puisse être dans la résurrection quand on sera ressuscité devant Allah Azza wa Jal, qu'on ait une excuse à présenter à notre Créateur pour lui répondre lorsqu'il va nous poser la question: qu'est-ce que vous avez fait avec mes commandements? Qu'est-ce que vous avez fait avec la sunna de mon messager? Qu'est-ce que vous avez fait avec ma parole que je vous ai révélée? Est-ce que vous l'avez laissée derrière votre dos ou bien vous l'avez mis en pratique et vous l'avez suivi et vous l'avez appliqué et vous avez vécu et mis en pratique ce que je vous ai ordonné? Quelle excuse on aura à donner à notre Créateur au jour de la résurrection? Quelle sera notre excuse? Ça, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. Quelque chose auquel on doit penser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a averti à l'avance. Et il nous a dit à l'avance qu'il y allait avoir de la division, qu'il y allait avoir de la divergence. Mais il nous a donné la solution, il nous a donné le remède contre cette maladie. Et il nous a dit, la solution, c'est que vous vous cramponniez au câble d'Allah, que vous obéissiez à ceux à qui Allah a donné le pouvoir sur vous. Même si c'est un esclave, c'est-à-dire que même si celui qui a le pouvoir sur vous, c'est un esclave, vous ne le considérez pas comme quelqu'un qui a une noblesse ou un statut important sur vous. Même que peut-être vous pensez que vous êtes meilleur que lui. Mais du moment que c'est lui qui a l'autorité, et du moment que c'est lui qui est votre dirigeant, vous lui devez l'écoute et l'obéissance dans le bien. Et le respect de son autorité, non pas pour lui, mais pour le poste et la position qu'il occupe. Et le respect de cette position-là dans l'islam, c'est quelque chose qui est sacré. Mais les musulmans ont oublié ça. Et ils ont suivi l'exemple des juifs et des chrétiens, et l'exemple des communistes et des autres koufars qui appellent à la rébellion et à la révolte contre les dirigeants, en pensant que, en suivant ces voies-là, ils allaient trouver une justice. Mais chaque fois qu'ils se révoltent contre leurs dirigeants, chaque fois qu'ils sortent dans la rue pour manifester, ils s'éloignent de la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au lieu d'enlever l'injustice, ils ne font que l'augmenter. Au lieu de s'éloigner des problèmes, ils ne font qu'en rajouter. Et regardez la réalité. Regardez ce qui s'est passé dans les pays musulmans dans les 20 dernières années. Et dites-moi un seul exemple, un seul pays où lorsque les gens ont contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir aux dirigeants, où est-ce que c'est sorti avec un résultat positif? Regardez la Somalie aujourd'hui. Et regardez où sont les Somaliens, éparpillés partout dans le monde. Et ils sont humiliés et faibles. Et les problèmes ne cessent plus. Regardez l'Irak. Regardez la Libye. Regardez les autres pays aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est rendu? Regardez la Syrie. Et tout ça, c'est parce que on a désobéi à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Isma'u wa ati'u wa induriba dahruk wa ukhidha maluk fasma'u wa ati'u » Parce que l'injustice, elle ne peut pas durer indéfiniment. Tôt ou tard, Allah va faire descendre la justice. Mais il faut avoir sabre. Il faut avoir la patience. Parce que sans la patience, il n'y a pas d'iman. Sans la patience, il n'y a pas de foi. Mais si on n'a pas d'iman, eh bien, il n'y a rien qui passe et il n'y a rien qui reste. Et c'est ça la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Que Allah nous guide. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم